Bonsoir. Bienvenue à cette conférence du vendredi. Il y en a un gros qui a pris ma chaise cette semaine, ça fait tout rentrer. Le titre de la conférence, cessons de perdre notre énergie. Quelle énergie qu'on a à perdre? Est-ce qu'on a de l'énergie? Mais c'est intéressant ce soir parce que, étant donné qu'on entend énormément de choses qui se passent de l'autre côté, il y a beaucoup de personnes qui pourront être confrontées à perdre leur énergie justement pendant qu'ils vont écouter... Ah ouais? Parce que l'autre côté, c'est style de motivation. Alors, ça s'applaudit régulièrement sans arrêt. Et puis, ça crée une forme de synergie. Puis cette synergie-là, elle est drainante, même si ça ne paraît pas. Sur le moment, c'est un peu comme quelqu'un qui prend du café ou qui prend de l'alcool. Ça va le survolter un bout de temps. Puis par la suite, ça lui amène une dépression un peu plus basse. Et pendant la conférence, évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas encore d'écoute sélective. Donc, ils ne seront pas capables de séparer totalement, de finaliser la cloison de l'hôtel pour ne pas écouter ce qui se passe chez le voisin. Ça peut donc drainer de l'énergie, c'est une perte d'énergie. La majorité des problèmes de la problématique de l'évolution chez l'homme, chez la femme et chez l'enfant, c'est justement cela, c'est le fait qu'ils perdent de beaucoup d'énergie. Mais c'est quoi l'énergie? L'énergie de quoi? Du corps physique, du corps vital? Qu'est-ce que l'énergie? Non, énergie supramentale, énergie mentale, énergie astrale, donc psychologique, énergie vitale, la vie, et énergie physique, les parties du corps, vieillissement entre autres. Maintenant, quand on parle de l'énergie, qu'est-ce que c'est que de l'énergie? L'énergie, c'est ce qui constitue la matière. Hein, depuis l'explosion Hiroshima, le monde sait un peu que dans la matière, il y a de l'énergie. L'énergie densifiée dans de la matière nécessairement révèle la matière, donc ça crée la matière. La matière n'a pas la faculté de croître, donc elle ne peut pas prendre des matières extérieures, se l'approprier et grossir, en suivant une certaine forme. Sauf qu'à un moment donné, elle est parvenue quand même à faire ce genre de choses avec les acides aminés. Progressivement, cela a donné la vie, une vie qui était extrêmement cellulaire, monocellulaire, donc une seule cellule, végétale entre autres, c'est-à-dire que ça fonctionnait surtout par photosynthèse, travailler avec le soleil. Progressivement, l'énergie vitale a commencé à engendrer une mémoire plus complexe qui va se finaliser par la création de l'acide désoxyribonucléique, l'ADN, les messagers ARN, et finalement, on aura l'apparition de la génétique végétale. Progressivement, à travers le temps, cette mémoire, donc, ce qui est acquis ne sera pas perdu à chaque mortalité, mais ce qui est acquis sera légué. Étant légué, cela permet la cellularisation de d'autres mécaniques, donc cela permet l'évolution des espèces, et on en arrivera finalement à l'évolution de l'animal humain, et à un moment donné, de l'humain, pour arriver vers l'être humain. Pendant que l'être humain vit, il accumulera de la mémoire mémorielle, de la mémoire événementielle, c'est-à-dire il sera capable de se rappeler ce qu'il a fait hier, avant-hier, il y a de cela quelques années. Il aura par la suite la capacité de gérer cette mémoire pour arriver même à se rappeler demain. Alors, on appellera cela l'imagination, parce que comme la mémoire du passé, elle est faussée, la mémoire de l'avenir, elle l'est aussi. C'est de l'énergie psychologique. Sur cette énergie va être basée l'expérience spirituelle, va être basée l'expérience de la confrontation de l'homme entre la mémoire, espoir et l'intelligence. Donc, cela va amener l'écœurement, l'écœurement de l'écœurement, la désillusion totale, désillusion des dieux, désillusion du monde. Par la suite, on verra la naissance du mental, qui sera supporté par l'intellect au début. Le mental permettra à l'humain de parvenir à se faire une logistique qui va lui montrer comme étant absurde la mort, mais aussi la vie, le suicide, mais aussi le fait de sauver une vie, lui montrer la stupidité du côté négatif ou du côté noir de la vie, que ce soit une vie physique, une vie spirituelle, etc. Mais en même temps, le mental sera capable de lui montrer progressivement l'absurdité aussi du côté positif. Donc, l'humain qui commence à mentaliser, énergétiquement, n'est plus capable de concevoir comme étant plaisant ou intelligent une réussite, alors qu'il ne conçoit plus non plus comme étant malfaisant ou déplaisant un échec. Par la suite, l'humain qui sera suffisamment solide dans son mental parviendra à intelligencer les choses, donc il arrivera à une intelligence neuve, quelque chose qui lui amène des phénomènes neufs, qui va lui permettre de ne pas passer son temps à répéter continuellement les mémoires du passé, qui drainent de l'énergie quand on fait cela. Voilà, j'avais raison, vous voyez, c'est bien. Alors, ça draine énormément d'énergie. Ils ne se présenteront pas toute la soirée, à un moment donné, on va être correct. Et puis, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que l'être humain arrive à l'intelligence supramentale qui va lui permettre de décoder d'une façon neuve les choses qui ont toujours été simples, naturelles, devant lui. Quand l'être humain parvient au décodage supramental, à l'intelligentiation, il arrive à un endroit dans son évolution où il peut se payer le luxe de cesser de perdre son énergie parce que de toute façon, il va devenir un focaliseur d'énergie. Cela veut dire que, rendu à un certain niveau d'évolution, l'être humain, qui vit une évolution individuelle, ce n'est pas une évolution collective, parce que dans le collectivisme, il y a une synergie, c'est-à-dire que toutes les énergies que je perds, essayez de les ramasser, puis tout ce que vous perdez, bon, on va essayer de les ramasser, puis finalement, ben, ce que je gagne, je le repère, puis finalement, on en perd un peu moins. Ça crée une forme de survoltage motivant. D'empérage, t'en perds un peu moins. Ouais, d'accord, ouais, t'en perds un peu moins. Ça vole tout ça peut, hein? Et puis, lorsque progressivement ça augmente, on verra ça dans les religions où on devra prier en groupe, on verra ça dans les sectes où on sera encore en groupe, on verra ça dans les écoles initiatiques où l'altruisme est prédominant, c'est-à-dire qu'on doit s'aimer et s'entraider en groupe, on verra ça dans les systèmes spirituels ou disons astrales de motivation planétaire, alors le positivisme, c'est ces choses-là où ça se fait aussi en groupe, où on est quelqu'un à travers la masse, donc finalement tout le monde est quelqu'un, c'est-à-dire que ça devient tout le monde est personne, tout le monde est la masse, une gang de quelqu'un. Et puis, progressivement, l'être humain qui arrive à intelligencer, lui, ce qu'il va faire, c'est que non seulement il perd de moins en moins d'énergie, jusqu'à temps où il n'en perd plus, mais en plus, il sera capable de drainer l'énergie de tous ceux qui ne sont pas capables de gérer la leur. Ça, c'est pas des vampires d'énergie, ceux que tu dis qu'il faut faire attention à? Puis plus ça va, plus ça vampire, ça c'est sûr. Bon. Parce qu'on se fait actuellement vampiriser, d'après la brochure qui avait été préparée. Oui, mais c'est pas ma brochure, c'est la brochure. Ah, c'est la brochure de quelqu'un, je vais le lire. Nous nous faisons sucer notre énergie par des vampires de l'involution. Comment empêcher ça? Mais là, tu dis qu'on va devenir, nous autres, des vampires. Ben, c'est déjà réglé, comme ça, tu te fais plus sucer par les vampires de l'évolution. Ah, tu deviens, c'est en devenant vampire qu'on arrête de se faire drainer l'énergie. Bon, c'est évident que c'est en devenant un gestionnaire de l'argent qu'on cesse d'en gaspiller. Hein? Et puis, en même temps, ça se trouve que tu ramasses celle que les gens gaspillent. C'est une bonne logique. Et cela fait en sorte que l'argent est mieux géré. Quand le gérant ou la gérante est convenable. Mais est-ce qu'il y a un nombre mathématique d'énergie existant sur la planète, et puis il va toujours être la même, puis ceux qui en ont, il y en a... Non. La planète Terre reçoit de l'énergie solaire régulièrement, puis elle la retranspose en énergie infrarouge. C'est pour ça qu'on a de la chaleur au niveau planétaire. Puis la lumière elle-même ne chauffe pas. Mais elle est transformée par la planète Terre, par les éléments, par les objets, par la matière, en chaleur, en infrarouge, en lumière infrarouge, qui, elle, nous réchauffe. Et c'est d'ailleurs pourquoi on aura, quand on parle de l'effet de serre, plus il y a de gaz carbonique dans l'atmosphère, bien, la lumière traverse les gaz carboniques. Alors, pourquoi qu'elle n'est pas réfléchie, puis elle ne s'en retourne pas? C'est qu'elle traverse, absorbée par la matière, on dégage un infrarouge, et l'infrarouge ne traverse pas la barrière des gaz carboniques, ce qui fait qu'on a une accumulation de chaleur. Chaque être humain dégage un infrarouge, donc si on prend une photographie infrarouge, on verra que ton corps, il y a énormément de couleurs, de rouge, de bleu, etc., tu dégages de la chaleur. À l'instant où on a une gérance de vie, on dégage un peu d'énergie. Dans cette énergie qui est dégagée, il y a nécessairement une perte. Comme quand tu manges quelque chose, 80 à 85% de la transformation en énergie est perdue en dégagement de chaleur. Donc, avant de bouger le bras, tu dois gaspiller 85% de ce qui va servir à bouger le bras uniquement en chaleur. Puis après ça, le bras commence à bouger avec le 20 ou 15% qui reste. Il y a une énorme perte d'énergie au niveau de la matière. Dans un moteur, c'est pareil. La majorité de la perte d'énergie, ton essence sert à chauffer le moteur. Il ne sert même pas à te faire avancer. Alors, c'est continuellement comme ça. Il y a une perte d'énergie, disons, fondée sur la mécanique de l'évolution des structures matérielles sur le plan planétaire. Au niveau astral, c'est la même, au niveau psychologique, donc au niveau astral, c'est la même chose. L'être humain, chaque fois que l'être humain veut constituer une pensée, que l'humain veut créer une mémoire, que l'humain veut nostalgiser, c'est-à-dire, disons, souffrir plaisamment sur le passé, nostalgie, chaque fois que l'humain se sert des structures astrales, des structures émotives, il perd jusqu'à 80% d'énergie uniquement en transmission télépathique émotive, c'est-à-dire qu'il prépare les terrains pour que les gens puissent accepter et supporter plus facilement son vécu. Au niveau mental, c'est la même chose. Chaque fois que l'humain commence à mentaliser, à penser à quelque chose de mental, la majorité de son énergie sera perdue dans le monde astral pour pouvoir néotyper, c'est-à-dire qu'il perd l'idée, il perd même la puissance de transformer l'idée en matière uniquement pour instruire le monde de la mort qui, par le biais des religions, vont instruire le reste de l'humanité. Est-ce que donc toutes les pensées sont une perte d'énergie? Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour toi. C'est bien, merci. Toutes les pensées sont un gaspillage d'énergie? Ce sont, oui. Du point de vue de celui qui pense, oui. Et pas du point de vue de celui qui reçoit la pensée. Si on veut arrêter de gaspiller de l'énergie, est-ce qu'il faut arrêter de penser? Ça, c'est évident. Sauf que tu ne contrôles pas la pensée, donc tu ne pourras juste que penser arrêter de penser. Est-ce que penser, arrêter de penser, dépense moins d'énergie que penser? Ça va te frustrer parce que tu ne seras pas capable. Donc, l'émotivité maintenant en bas, du mental, tu passes à l'astral, ce qui fait que tu vas perdre de l'énergie sur deux fronts. Prenons l'exemple. Une personne découvre subitement que ce qu'elle fait est une connerie. Alors, elle a suffisamment de vibrations mentales pour être capable de mentaliser sur ce qu'elle fait, ou elle est suffisamment en contact avec elle-même, et on verra la dernière conférence de février, qu'est-ce que c'est qu'être en contact avec soi-même, pour être capable d'intelligencer le phénomène. Alors, elle a maintenant pris de l'énergie dans le monde où elle travaillait mal, ça peut être émotif par exemple, ça peut être vital, ça peut être intellectuel, et l'énergie qu'elle perdait, elle l'a maintenant ramassée pour pouvoir être capable de découvrir que ce qu'elle fait n'est pas écologique, n'est pas conséquentiel. Si maintenant elle a honte de ce qu'elle a fait parce qu'elle voit qu'elle l'a mal fait, toute l'énergie qui a été ramassée est maintenant redigérée par le monde astral, par la psychologie, par l'émotivité, et parce qu'elle a honte, elle va maintenant brûler totalement cette énergie-là. Et quand on dit brûler, ça veut dire qu'elle va la réémettre à l'extérieur. Donc, elle va colorer le monde astral, elle va peut-être colorer les gens dans la maison où elle travaille. Bon, elle a la mop, hein, elle balaye les planchers. Alors, elle est de mauvaise humeur, puis c'est pas long que tout le monde devienne de mauvaise humeur, parce qu'elle communique, elle communique, elle communique. Quand l'être humain se rapproche d'une mécanique d'intelligence, par exemple, quand tu es extrêmement bien, c'est rare que ça va communiquer autant. L'individu qui réfléchit son bonheur, c'est un individu qui veut le partager. Donc, il freine son bonheur, il l'ajuste au bonheur des autres. C'est-à-dire que je rentre dans la maison, je rentre au bureau, et puis je suis extrêmement heureux. Et là, je rencontre deux trois mops, des personnes qui sont de mauvaise humeur, qui ont tout le poids de l'illusion astrale sur le dos, des problèmes, eux appellent ça. Et puis là, j'essaie de les remonter. Je dois donc prendre de mon énergie, la leur donner. Et je vais donc baisser progressivement, je me fais éteindre l'énergie, donc va vampiriser. Et eux vont monter un peu, puis là on a une atmosphère qui est un peu mieux. Sauf que si l'atmosphère elle-même du bureau est à la baisse, ben nécessairement après une heure, deux heures ou trois heures, je serai comme eux. Il faudra qu'on invite un vendeur super pépé là, qui sort d'un cours de motivation. C'est ça, d'un cours de motivation, pour qu'il vienne après ça se brimer chez nous. Bon. Mais est-ce que dans ce temps-là, tu serais mieux de rebrousser chemin tout simplement et lever le bon? Deux choses. Si on veut arrêter de se faire vampiriser, quelles sont les techniques qu'on doit appliquer pour arrêter de se faire vampiriser? Voilà. Combien d'êtres humains consciemment et combien inconsciemment se sentent coupables d'être heureux dans un entourage qui ne l'est pas? Mais la majorité. Pourquoi? Parce que l'être humain est encore collectif. Donc, tu rentres au bureau, puis ça devient normal que toi, tu te plaises pas, que toi, tu te plaignes pas des problèmes du bureau, des problèmes de la compagnie, des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Et nécessairement, tous les gens vont tout faire maintenant pour te ramasser. Alors, ils vont tout considérer que tu te fous de tout, que tu te fous carrément de la compagnie, que tu te fous de tout le monde, que c'est ci, que c'est ça. Et progressivement, parce que si tu t'autorises à être ce que t'es, hein, on verra un peu donc dans deux semaines comment, surtout, on va quand même en parler un peu ce soir. Si vous vous autorisez, et ça, l'être humain ne le fait pas. Regarde ceci. À un moment donné, il faudra qu'on fasse des conférences avec un tableau. Ça m'a intéressé de barbouiller, ça va qu'on fait comprendre plus de choses, plus facilement en tout cas. On a souvent parlé d'un archétype. L'archétype est une forme qui oblige la conscience de l'homme et de la femme et de l'enfant à agir selon un prototype établi, un stéréotype. Dernièrement, on a un juge là, qui a dit qu'une règle, c'était comme une femme, c'était fait pour être violée. Bon, hein? Maintenant, il a des poursuites, enfin, il y a un paquet de monde qui se plaigne. Il a dit ça en cours, il réglait quelque chose, puis quelqu'un lui disait que la règle était correcte, il était croche, puis ben quoi, une règle, c'est comme une femme, c'est fait pour être violée. C'est un juge. Un juge. Oui, mais il a jugé beaucoup de femmes avant, ça a dû juger par là. Bon, en tout cas, là, ce qui arrive, c'est que notre bonhomme est manipulé par un stéréotype, manipulé par un archétype. Archétype veut dire vieille forme. Stéréotype, c'est une forme qui est collective. La vieille forme est nécessairement stéréotype, sauf qu'elle date. Donc, lui, il est relié à une forme mémorielle qui l'instruit par la pensée. Hein? L'être humain est extrêmement manipulé par sa pensée. L'être humain ne pense pas. Il pense. Fini là. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il parlait, il y allait par là. Et à un moment donné, manipulé par un archétype, il est arrivé à dire une chose que normalement son intelligence ne lui aurait pas permis de dire. Parce que même s'il déteste les femmes, c'est tout à fait inconséquentiel de dire devant un public, devant une sténographe et devant la cour, habillé en juge, que la femme est faite pour être violée. Donc on ne peut même pas dire, ben c'est un fou, c'est pas un fou, c'est un juge. Pour arriver à être juge, il ne faut pas être fou. Bon. Par contre, il s'est passé quelque chose. Comme on parlait à un moment donné de Claude Charron qui vole un veston chez Eaton, ben voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. L'être humain est manipulé. L'archétype, c'est donc une forme qui répond par l'expérience humaine à toutes les situations traditionnelles, mais qui ne peut pas répondre aux situations neuves. Donc, lorsqu'un être humain évolue dans la tradition, il est normalement moins confronté à se poser des questions, moins confronté à être déstabilisé, moins confronté à avoir peur, moins confronté à être stressé. Pourquoi? Parce qu'il vit des problèmes traditionnels et l'archétype, les archétypes traditionnels, viennent totalement, continuellement lui expliquer comment il doit agir. Lorsque l'être humain commence à se conscientiser, dans le cas de la majorité des gens qui sont ici ou qui n'y sont pas et qui écoutent, parce qu'il achète des cassettes, ces êtres-là, à un moment donné, vivent des choses neuves. Dans les choses neuves, l'archétype essaie de leur dire comment agir et leur intelligence fait qu'il y a une confrontation entre la façon traditionnelle et non pas la nouvelle façon, parce que la nouvelle façon n'existe pas, ils devront la créer. C'est ce que j'appelle néotyper, créer de nouvelles formes. Mais c'est pas comme ça qu'on va dépenser beaucoup plus d'énergie en essayant de faire une nouvelle forme et puis en fonctionnant par la pensée avec des anciennes formes? Non. C'est exactement comme si tu roules dans un chemin de boue avec une automobile ordinaire. C'est ce que ça... Bon, puis tu vas faire ça pendant les 20 000 prochaines années. Bon. 15 000 prochaines années. Alors, c'est moins dilapideur en énergie que de construire une route, que de continuer à rouler là-dedans pendant les 15 000 prochaines années. Le néotype facilite énormément l'individu, facilite beaucoup de choses, surtout que le néotype te permet d'entrer en contact avec de l'énergie qui vient maintenant tout compenser ce que tu pourrais perdre. Tandis que dans l'archétype, on ne le fera uniquement que si tu te donnes, que si tu donnes ta vie. Vends ton âme, vends énormément d'énergie, ton corps aussi. Donc tu souffres, t'es méritoire, puis tu y vas. Regardons ce qui se passe. On a donc une personne qui se promène quelque part et puis elle rentre à l'église. En entrant à l'église, elle rentre dans une église d'une religion qu'elle ne connaît pas. Alors, plusieurs personnes, en entrant dans une église, vont quand même se signer, font un signe de croix. D'autres feront la génuflexion. Si vous ne savez pas ce que c'est, les jeunes vont regarder dans le dictionnaire. Bon. Et puis, pourquoi? Ça n'a rien à voir. On a l'archétype, c'est une vieille forme qui vient chapeauter la conscience de l'homme, de la femme ou de l'enfant, puis qui après ça lui dit quoi faire. Un exemple. Tu te promènes sur la rue, il y a une personne qui marche en arrière de toi. Tu traverses la rue, elle traverse aussi. Ça donne qu'elle passe par là. Mais immédiatement, c'est un événement que tu vis. Comment dois-tu vivre l'événement? L'être humain ne crée pas de neuf tant qu'il n'est pas centré dans son intelligence. Donc, comment vis-tu l'événement? Eh bien, dans le monde de la mort, dans l'astral, il y a un archétype qui vient te ramasser, puis là, qui lui va commencer à te guider. Alors, où lui, il vient te ramasser, et là, si on prend n'importe quel, on fait les insolences de l'astral. On prend n'importe quel être humain qui marche sur la rue, puis on y colle un sbire en arrière qui la suit. Et tu vas voir, ils vont tous agir de la même façon. Alors donc, justement, il y a un archétype, c'est-à-dire que l'être humain ne sait pas de par lui-même comment il devrait agir, mais là, subitement, il commence à embarquer dans un archétype, et là, il va commencer à accélérer le pas. En même temps, il essaie de ne pas regarder, parce que c'est comme insultant. Il veut pas. Tu sais, s'il y a des lunettes, il met sa main comme ça, pour qu'il gratte le front en même temps, ça fait un miroir, il essaie de voir, bon, non. Et ça va. Pas regarder dans les vitrines. Avec des valeurs de contact, bien compliqué. En tout cas. Et puis là, il continue à marcher, va accélérer. Après ça, la personne va traverser la rue, même si elle fait faire un détour, histoire de se convaincre que l'autre ne suit pas. Mais l'autre suit. C'est l'autre, c'est son toit, tu sais. Fait que le deuxième, il traverse aussi parce qu'il pense que l'autre le suit derrière. Bon, traverse la rue. Et puis là, tu pourras observer, ils auront tous les mêmes genres, le rythme cardiaque va accélérer, il y aura la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, on va dire, ben oui, mais c'est pas un archétype, c'est normal qu'on accélère. C'est ça. Ce qui est normal, c'est la façon dont le peuple, dont le troupeau, dont l'ensemble des humains agissent dans telle ou telle situation. C'est l'archétype. Mais les archétypes doivent être nourris. C'est-à-dire qu'un archétype, c'est une forme mémorielle qui est conservée dans l'énergie vitale de l'atmosphère et elles doivent être entretenues comme les mémoires de l'homme, de la femme, de l'enfant doivent être entretenues. Si tu ne penses pas à certaines choses, comme dernièrement, je posais une question à un professeur à la télévision, 11 fois 11, ça fait quoi? Mais il ne le savait pas. Je tiens à lui expliquer que ça va rien de taper sur les jeunes et qu'après une table au complet, une fois adulte, le monde oublie tout. Et elle ne se rappelait pas. Pourquoi? Ça demande de l'énergie que d'entretenir une mémoire. Les archétypes, ce sont des vieilles mémoires qui, eux, ont une seule fonction, c'est forcer l'humain à conserver l'état planétaire qui nécessite leur présence. Donc, ils ont une fonction, c'est de continuer à faire en sorte qu'on répète inlassablement les mêmes conneries au niveau planétaire. Un homme et une femme, qu'est-ce que c'est? Ça s'approche, ça se connaît, ça devient ami. Ça devient ami comment? Comment un homme fait-il la cour à une femme? Mais là, on verra que si un extraterrestre vient filmer ça, il va être capable de découvrir un prototype parfait de l'approche de l'homme face à la femme. Ça, c'est l'archétype encore qui vient dominer, comme le lion va faire, comme le pain va faire, comme ils vont tout faire. Ça, cette mécanique est une grande perte d'énergie. Mais comment tu dépenses de l'énergie en étant assujetti à une mécanique comme ça? Pour la simple... En étant stressé, comme je reviens à ton exemple de trottoir de tantôt... Si tu te fais suivre, c'est avec la sécrétion, la crainte, la peur, le stress que tu nourris cet archétype-là? Avec tout cela, en plus avec simplement la confrontation qui va apparaître entre ton intelligence, ce que tu aimerais faire, et tout ce que tu ne peux pas faire. Donc intelligemment, tu aimerais ne pas avoir peur, mais en réalité, tu as peur? À un moment donné, peut-être là-bas, on va demander juste qu'ils baissent le son un peu de leur... c'est ton à gauche. Non, parce qu'il y a une compétition à un moment donné, là, on s'amusait, bon. Pour éviter de la perte d'énergie, si l'individu retourne de bord, disons, pour briser les archétypes, parce que comment on fait pour arrêter de la perte cette énergie-là, si on casse le mouvement? Bon, il se trouve ceci, c'est que l'archétype a besoin de l'énergie humaine pour s'alimenter. Je reviens encore juste sur un exemple du couple, on peut voir la cour. Voilà, j'écoute la cassette, c'est des farces que je comprends pas, en tout cas. Mais n'empêche, bon. Et lorsque l'homme et la femme restent ensemble, tout le respect qu'ils avaient normalement, progressivement se perd, parce qu'ils tombent dans l'archétype du couple. Puis un couple, c'est fait uniquement pour nourrir l'archétype du couple. Quand je parle du couple, je ne parle pas du couple dans le sens un homme et une femme qui vivent ensemble. Je parle de... ça devient un couple. Un couple, ça veut dire que l'un ne peut pas se passer de l'autre. C'est un couple. En même temps, c'est un couple en termes de mécanique, ça fait bouger les choses. Un couple. Tu comprends l'idée? Ça exerce un couple. Alors, ça exerce quelque chose au niveau de l'astral, au niveau de la psychologie de ceux qui, justement, sont en train de vivre en couple. Sauf que maintenant, toute leur relation de couple va être dirigée et on peut la rencontrer partout. À un point tel qu'on peut faire des psychologues spécialistes du couple. Parce qu'on sait, finalement, de quelle façon un être humain archétypé, normal, doit agir pour que telle bonté, il y ait une telle réponse d'un bord, etc., etc. Finalement, quand souvent les personnes disent « Oui, mais si tu deviens un homme nouveau, une femme nouvelle ou un enfant nouveau, c'est comme un robot. » Mais non, c'est l'inverse. C'est tellement robotisé ou archétypé ou programmé dans l'être humain qui vit de l'ère ancienne, finalement, de l'archétype, du stéréotype, que lui, on peut tout prévoir. Tu ne pourras pas savoir ce que seul un être intelligent pourra définir ce qu'un être intelligent va faire. Oui, mais quand tous les êtres intelligents vont être intelligents, ça va revenir au même? Non. Bien, on va quand même pouvoir, si tu mets 25 personnes intelligentes dans la même situation, est-ce que tu vas avoir 25 réponses différentes? Ou si tu vas voir, il n'y aura pas d'archétype. C'est ce que je te dis. Seul un être intelligent peut reconnaître un être intelligent. Tandis qu'un être qui ne privilégie pas l'intelligence dans son expression, mais qui privilégie l'intellectuance, donc la mémoire, lui ne peut pas le reconnaître. Pourquoi? Puis il ne pourra non plus jamais prévoir ce qu'il va faire. Il ne pourra même pas comprendre l'intelligence dans ce que l'autre exprime. Sauf que si le feu prend dans la pièce ici qu'il y a une porte, des archétypes vont faire que des gens vont se précipiter pour sortir. Et là, évidemment, la porte est faite pour en sortir 3-4 en même temps. Nécessairement, il y aura un problème. Surtout que si nos collègues d'à côté veulent sortir en même temps, les deux portes se rentrent une sur l'autre. L'archétype va engendrer la panique. On sait, et d'ailleurs on a même des portes paniques dans les trucs, on sait que dans telle circonstance où l'être humain est confronté, bien, il y a un archétype qui descend et on dit c'est normal. L'archétype ramasse tout le troupeau complet puis il les domine. L'être humain dit « Oui, mais moi j'ai pensé à sortir au plus sacrant. » T'as pas pensé à sortir au plus sacrant. Tu t'es fait dominer à sortir au plus sacrant. Oui, mais intelligemment, ça serait aussi logique de vouloir sortir de la pièce. Oui, mais 4 par 4, pas 20 par 20. Mm-hmm. Alors ce qui va arriver, c'est ça qui est la nuance. C'est que si le feu prend dans la pièce ici et que les gens sortent par la porte, s'ils sortent à un rythme extrêmement convenable, c'est-à-dire si chaque individu est capable de se prendre en main, de regarder où il met les pieds, quelqu'un par exemple s'enfargerait, disons qu'il y aurait une personne archétypée dans l'eau à part en courant s'enfarge, eh bien on la verra, on a totalement le contrôle de ce qu'on est, mais pas en tant que troupeau, en tant qu'individu dans la collectivité. Alors c'est là qu'est la grande nuance, c'est que tu peux arrêter... 20 personnes intelligentes qui courent quelque part, si tu dis arrêtez, il y a un danger, ils vont tous arrêter. Un troupeau qui court, si tu dis arrêtez, il y a un danger, ils vont tous s'enfoncer les uns dans les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a le phénomène de l'archétype. Si une personne, on dit le chef, pas le chef, si une personne, le vent, la pousse par là, tout le reste suit. Les oiseaux, c'est ce qui arrive avec eux. Les moutons, la majorité des herbivores. Quand on arrive au système carnivore, on perd l'exemple du troupeau, à part au niveau des loups, au niveau de certains animaux. Mais quand on retourne vers l'homme, qui est omnivore, qui mange les deux, qui mange la viande, qui mange des végétaux, on a la possibilité d'une conscience individualisée, mêlée à la conscience collective. L'archétype est une grande mémoire qui oblige l'humain à agir en conformité avec la tradition. Donc, c'est traditionnel qu'un homme, à un moment donné, dise des saloperies sur le dos de la femme. Parce que traditionnellement, la femme, elle a, à un moment donné, dû revendiquer une arme. Donc, elle vivait pendant des milliers d'années en sachant que quand elle meurt, elle va nulle part, alors que l'homme avait le luxe d'aller quelque part. À un moment donné, elle a dû revendiquer son corps physique. Dernièrement encore, on parle encore au niveau de l'avortement. Là, en tout cas, il y a tellement de conneries. À un moment donné, elle a dû revendiquer le droit de vote. Elle doit revendiquer plusieurs autres phénomènes. Donc, archétypalement, la femme, ce n'est pas grand-chose. L'homme qui commence à reconnaître, pas à respecter la femme, à respecter l'humain. Non, lui, la femme ou l'enfant, à respecter l'humain simplement, lui doit néotyper. C'est-à-dire que lui ne peut pas se fier sur la tradition pour savoir comment maintenant tu peux t'approcher d'une femme. Tu t'approches d'une femme, la femme pense immédiatement que tu fais la cour. Elle est prise par l'archétype. Donc, elle va réagir en fonction de ce que la normalité devrait faire au gars. Si le gars est différent, la femme ne sait plus comment le prendre. Même chose à l'inverse. Si la femme approche d'un gars, on peut voir ça souvent. T'as rien qu'à faire à dire à une femme que tu veux coucher avec elle. La femme te saute dessus et te viole près. C'est vrai que le gars ne comprendra pas pantoute. Normalement, la femme doit résister. Le gars doit la conquérir. Parce qu'il y a une partie de puissance, de pouvoir là-dedans. C'est sûr que sa femme est totalement compétente. Mais comment tu peux vivre et évoluer dans une société où il y en a 90, je ne sais pas quel pourcentage, c'est pas important, mais un pourcentage qui va fonctionner avec les archétypes, puis un pourcentage qui voudrait essayer de fonctionner avec des néotypes. C'est assez compliqué. Non, pas compliqué du tout. Tu serais le seul sur la planète, mais relié à tous tes archétypes, qui te dirait comment prendre ta tasse de thé. Hein? On a ça en Angleterre, on a ça au Japon. Parce que ça n'a pas le même goût. Mais ça, c'est l'archétype qui te dit que... Bon, tu serais tout seul dans plein désert du Sahara, puis tu aurais tes habitudes, tes traditions, tu te lèverais toujours vers le même point cardinal, tu ferais le même genre de marche, comme ceux qui prennent le cigarette le matin, le café, le journal, etc. Ça devient un archétype, c'est-à-dire qu'on sait traditionnellement que une quantité phénoménale d'humains font exactement les mêmes choses, approximativement aux mêmes heures, dans un rythme similaire. Bon. Alors, c'est que ça devient être adulte. L'enfant, à un moment donné, pour devenir adulte, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va tout faire pour se relier à un archétype d'adulte. Il va vouloir être manipulé comme un adulte. Il va commencer à courir après les filles ou après les gars, commencer à fumer, commencer à faire plein de conneries, finalement, bien souvent. Et là, il aura l'impression qu'il devient adulte. Nécessairement, il va se détacher des archétypes d'enfant. De ce fait, il va finir par, lentement, progressivement, à perdre ce qu'il y a d'enfant chez lui. L'archétype, c'est ce qui domine. On perd de l'énergie parce qu'on nourrit extérieur à nous. On parle de vampires. Effectivement, les vampires, ça peut être... Bon, moi, j'ai mal à la tête ou encore j'ai mal au cœur. Au cœur astral, pas à l'estomac. Hein, vous savez qu'il y a des gens mal au cœur, ils vomissent. Quand ils ont mal à l'estomac, ils font une crise de cœur. Tu sais, c'est... L'humain se protège bien. Alors, je souffre. Alors, je vais vous voir. Vous êtes mon voisin, ma voisine. Puis là, je vais vous conter mes problèmes. Mon stéréotype va faire, donc l'archétype va faire qu'en bon chrétien ou en bon être humain altruiste, ben on doit s'entraider. C'est ceux qui ont des problèmes qui, évidemment, prônent le fait qu'on doit s'entraider. Alors, je m'en vais faire un tour chez vous, parce que là, je prône l'altruiste planétaire. Vous, ben évidemment, vous êtes possiblement, vous avez été éduqué aussi par des archétypes, par de la tradition. On vous a puni là, en ou non de tradition, un humain, ça ne fait pas ça, telle chose, ça ne se fait pas, ceci, ça se fait, bon. Et là, vous êtes en train de néotyper, c'est-à-dire que là, vous voulez sauver vos énergies un peu, commencer à en accumuler. Là, je frappe, je sonne chez vous, vous répondez pas. Là, vous dites pas encore lui, pas encore lui. Là, déjà là, vous réagissez en fonction de l'archétype de celui qui veut fuir l'archétype. Bon. Parce que quand une personne veut s'en libérer, au lieu d'aller à la porte et de dire « Non, aujourd'hui, je ne te parle pas. Oh, mais si tu savais, non, ça sert à rien. Clique, tu fermes la porte. » Ce qu'un être intelligent va faire, « Oui, mais tu frustres l'autre. » Non, non, tu ne frustres pas l'autre. De toute façon, l'autre, tu vas le frustrer un jour ou l'autre. Dans 20 ans, dans 30 ans, mais à un moment donné, tu vas lui donner un coup de gant de boxe dans le visage. Sauf que plus tu le laisses venir te vampirer, plus il va venir droguer. Il va venir droguer de ton énergie. La journée que tu vas vouloir couper, ça va juste être plus compliqué. Puis il va simplement taillir un peu plus fort. Sa haine va être proportionnelle à ce que tu lui auras donné. Alors, plus vite tu coupes, mieux c'est. Mais là, ce qui arrive, c'est que tu es là, puis ça sonne, puis ça sonne, puis lentement, il commence à te drainer, même si tu réponds pas. Parce que ça sonne. Alors, c'est ça l'idée. C'est que l'humain, ou bien tu vas ouvrir, tu le fais venir, une journée ou deux, on se synergise un peu, mais quand l'individu revient toujours avec les mêmes problèmes, tout ce que tu lui dis, ça sert à rien, il vient pas pour appliquer, il vient pas pour apprendre des choses, il vient pour têter de l'énergie. Bon, il repart après ça, là, et tu m'as fait du bien. Puis toi, tu es toute défaite au complet. C'est ça, il y a eu transfert d'énergie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait avec? C'est un alcoolique d'énergie. Il va tout agaspiller l'autre côté. Il va nostalgiser sa femme qui est partie, ou son mari qui est parti, ou son fils ou sa fille. Puis il recommence à gruger ça, il nourrit les archétypes. Transférant l'énergie, à un moment donné, il n'y en a plus. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Ben, tu as vécu quelque chose un peu, tu es sorti dehors, tu es allé chercher de l'énergie quelque part. Et quand tu reviens, tu as une batterie. À l'instant, lui, il sent, ben, il y a une différence de potentiel des deux logements. Il traverse encore, il va encore sonner. Bon. C'est là que bonhomme a eu l'idée des farces et attrapes, à un moment donné. Des sonnettes qui donnent des chocs électriques, des choses de même. C'est ça, c'est créé. De là que c'est venu. Mais pour arrêter de la perdre, cette énergie-là, est-ce que ça veut dire qu'il faut se cloisonner, fermer la porte et puis parler à personne? Ou est-ce qu'il y a des mécaniques qui seraient. Ah, il y a énormément de mécaniques. Puis, sont cumulées sur une seule mécanique. On pourra évidemment la redéfinir. Mais sachez une chose. Têter l'énergie, premièrement, qu'est-ce que c'est? Demander sans cesse conseil à autrui, nous sommes têteux d'énergie. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce qu'on sera mort du karma? Non. Oui, mais l'autre, on le vide. C'est ses problèmes. La journée qui sera suffisamment vidée, il va commencer à se prendre en main. Puis ça sert à rien de dire oui, mais c'est pas altruiste. Ça change rien. Les personnes qui viennent me voir, ben, ils peuvent me poser des questions. Comme quand on fait le séminaire, on passe deux jours à parler. Et puis, il y a des gens qui refont le séminaire, puis les autres, ben c'est ça, je suis venu têter. Il n'y a aucun problème, ça ne dérange pas. Bon, il y a une entente. Quand moi, c'est suffisant, bien, je le dis. Les personnes, ben ils comprennent, c'est fini là. Alors, des personnes comme ça, c'est bienvenu n'importe quand. Ce qui arrive, c'est que quand on veut commencer à sauver son énergie, donc à cesser de le perdre, ça veut dire qu'on ne va plus dans des fêtes ou des on ne fait pas de sorties qu'on ne veut pas faire. On ne fait pas ce qu'autrui nous force à faire en faisant tout pour nous manipuler. T'es un casse-tout de party, t'es un gars plat, t'es ici, t'es ça, c'est pas normal, tu devrais faire ci, si tu m'aimes, tu devrais faire un effort. Et patati patata, ce qui fait que continuellement, t'es toujours confronté à ne jamais être toi, mais à vivre l'archétype. Pourquoi t'es un gars plat? Un gars plat, là, c'est quelqu'un qui est extrêmement épais, extrêmement mince, puis extrêmement long. C'est plat. Bon, mais t'es pas plat. Sauf que ce qui va arriver, c'est que l'être humain essaie par l'archétype de dire, de manipuler les autres, donc de se manipuler. Entre confrères, on peut bien. C'est quoi le rapport? Bon, oui, mais tu sais, entre voisins, il faut qu'on s'entraide. Qui dit ça? Celui qui veut ta souffleuse ou ta tondeuse? Bon, tu peux prêter les objets, l'idée n'est pas là. L'idée, c'est que tu prêtes l'objet parce que tu prêtes l'objet, et non pas tu prêtes l'objet parce qu'on te vole l'objet. On te vole tellement d'énergie que tu dis, OK, prends-la, laisse-moi mon énergie. Peut-être un peu plus. Oui. Bon. L'être humain, pour conserver son énergie, si on résume très rapidement, il doit simplement agir comme s'il se respectait lui. On ne peut respecter l'extérieur en premier. On se fait bafouer par l'extérieur, on souffre d'être de vivre en contact avec l'extérieur, on maudit l'extérieur, on trouve le monde pourri, on en met plein de choses, parce qu'on veut respecter l'extérieur. Nous, là-dedans, on n'existe pas. Si on se respectait, on n'en perdrait plus d'énergie. Si tu te respectes, tu perds à peu près plus d'énergie, mais en ce sens que si vous gagnez 10 volts et que vous en perdez 2 volts, finalement, il vous en reste 8. Vous ne perdez pas d'énergie. Vous perdez un peu, mais on s'en balance là. Par contre, si tu ramasses 10 volts puis de temps en temps, tu en perds 8, tu en perds 9, tu en cumules un petit peu, quand tu le cumules, tu ne sais plus où tu l'as mis après, tu le repères encore, parce qu'il y a des individus, à un moment donné, qui accumulent de l'énergie, mais n'étant pas prêts, aptes à faire quelque chose avec, ils vont la stocker quelque part. Quand c'est le temps qu'ils reprennent leur énergie, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas où ce qu'elle est, ils l'ont perdue. En plus, si tu gagnes 10 puis tu perds 12, ben à un moment donné, progressivement, tu deviens un adulte qui vieillit rapidement. Parce que tu te fais totalement drainer. Là, je vais poser une question d'ego. Qu'est-ce que ça donne de ne pas perdre d'énergie? le résultat de... Est-ce qu'on rajeunit... C'est pas une question d'ego, ben ça dépend. Elle peut être mentale aussi. Oui, ben je l'ajuste. Est-ce que ça nous fait rajeunir, entre parenthèses, ça nous fait empêcher de vieillir, en tout cas? Est-ce que ça... Qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice au corps physique, au corps mental? Ou... Premièrement, tu dormiras mieux. Est-ce que ça fait parler plus fort? Plus mal, d'abord. Pas mieux. C'est intéressant. C'est correct ce qu'ils font de côté, c'est amusant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là, c'est toutes des gens qui viennent faire ce qui est interdit toujours à leurs enfants. Je viens de te défouler, là. Si on, si on était bien chien, on pourrait l'enregistrer et envoyer une cassette à leurs enfants. Ah oui! Papa, maman, à la conférence très importante de ce soir. Oui. Merci. Il nous demande de parler moins fort. Michel, je la comprends pas. C'est marqué, après l'entracte, les gens doivent aller à la mezzanine parce qu'il n'y aura pas de place pour là, pour la porte. On va changer de salle après. Bon, voilà, ben après l'entracte, on descend à mezzanine pour aller chercher nos salles où est-ce qu'on va entendre l'orchestre à la place. C'est ça. Bon, un bel grec. Où en était-on? Où en était-on? Téton. On était au téton. Attention, il y a des archétypes qui récupèrent les mots, hein? Où en était-on, là? Bon, on en était simplement à qu'est-ce que à ça quoi donne? Ça fait, c'est ça, ouais. Voilà. Hein? C'est bien de brancher à la même place. Bon. Faire pas le fil. Ça sert à cesser de perdre son énergie. Ça, j'en doutais. Je m'en doutais, oui. Quand même, au cas. Bon. À part ça. Deuxièmement, ça sert à empêcher le corps de... Donc, si tu perds moins ton énergie, ton corps physique va être de moins en moins malade. Finalement, il ne le sera plus. Par contre, il y aura une problématique qui va apparaître. Plus ton corps est énergisé, plus ton corps est capable de cellulariser. Cellulariser, ça veut dire capable de reconnaître, de mémoriser chimiquement des expériences qui servent le corps, qui servent nécessairement à l'être humain. On pourra donc dire de codifier génétiquement des changements. Est-ce que ça fait perdre les cheveux? Ça n'a rien à voir. Hein? Par contre, ça les fait griser. OK, continue de voir. Encore une fois, une personne qui... ça fait partie des archétypes encore. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, à un moment donné, qui commencent à avoir les cheveux gris et, ah, je commence à vieillir. Ils se mettent ils se teignent les cheveux, puis là, c'est le cancer, ils vont attraper mon moi, je les teins en gris. Ouais, effectivement, c'est une façon comme une autre. Tu as suivi un cours de positivisme, oui? C'est ça, oui. C'est ça, oui. D'accord. Donc, le corps est de plus en plus en forme, tu vas dormir de mieux en mieux. Ça ne veut pas dire que vous aurez de moins en moins besoin de sommeil. Est-ce que tu en auras besoin de plus de sommeil? Souvent. Tu regagnes de l'énergie dans le jour, tu as besoin de plus de sommeil? Oui. Pour? Parce pourquoi? Que tu es en pleine croissance. Mentale? Ou physique? Tu n'es pas en croissance physique? Sur toutes les plans. Physiquement, il y aura une reprogrammation du système neuronique, une mutation neuronique, qui va te permettre d'avoir une légifération plus efficace, plus rapide. De plus en plus, ton cerveau sera capable de résister aux sécrétions d'endorphines, aux sécrétions donc d'un paquet de catécholamines naturelles qui sont des drogues, comme l'endorphine est une morphine naturelle. Cela va faire en sorte que de plus en plus, tu seras capable d'être le contrôleur de la manipulation émotive. Cela veut dire que tu seras capable d'avoir de l'émotion quand ce sera le temps. Mais progressivement, tu vas transmuer l'émotion en sentiment. Donc, le sentiment sera aussi une captation d'énergie, alors que l'émotivité qui s'exprime par le système endocrinien est une vaste perte d'énergie. Hein, accélération cardiaque, transpiration et un paquet de choses au niveau de l'émotivité. Progressivement, donc, le cerveau est capable de résister aux sécrétions d'endorphines. Donc, au niveau des récepteurs spécifiques cérébraux, il y aura de moins en moins de manipulations. Cela va faire en sorte que l'être humain va conserver sa tête froide plus longtemps, mais il sera toujours capable de contrôler son système émotif. Quand c'est le temps d'avoir du plaisir, il en aura. Mais quand ce n'est pas le temps d'en avoir, il n'en aura pas. Mais l'avantage, c'est que quand ce ne sera pas le temps de brailler, de souffrir, d'avoir peur, etc., ce ne sera jamais le temps, le cerveau sera maintenant capable de résister à cela. Donc, l'individu sera beaucoup plus solide, beaucoup plus en équilibre, instable, sous contexte planétaire. Au niveau du plan physique, il y aura aussi une chose, meilleure digestion des aliments, c'est-à-dire que, au lieu de manger 3 pommes pour te sentir en forme, parce que tu digères seulement un tiers de chaque pomme, tu mangeras une pomme et tu auras le même résultat. Tu mangeras de moins en moins et tu auras de moins en moins faim, sans perte de poids, sans nécessairement engraisser non plus. Par contre, ce qui va arriver, c'est que progressivement, votre corps va ajuster le goût. Tu ne voudras plus manger cette cochonnerie-là. Alors que l'archétype voudra, lui, te la faire manger, la cochonnerie. Progressivement, tu voudras aussi cesser de fumer. Alors que l'archétype voudra te confiner à continuer à fumer. Évidemment, il y aura des petits problèmes au niveau de toxicomanie physique, mais qui progressivement vont s'éliminer. Au niveau du corps vital, ce qui va arriver, c'est que tu vas devenir hypersensible. C'est une forme de problématique aussi qui est facilement contrôlable. Hypersensible veut aussi dire, de temps en temps, hyper irritable, c'est-à-dire que tu vas découvrir rapidement certaines fonctions, tu vas être capable de décoder plus rapidement l'extérieur. Donc, tu rentres chez quelqu'un, tu n'aimes pas la place, tu rentres dans une chambre d'hôtel, yark, tu ne peux pas vous coucher là, etc. Ça crée certains problèmes, mais en même temps, c'est bon parce que ça te permet, c'est comme si tu développais le goût. Alors que tu mangeais de la viande avariée, ça ne te dérangeait pas, maintenant la viande avariée, ben là, ça dérange. C'est comme un problème. Oui, mais là, c'est plate, il faut que je commence à... C'est ça. Mais c'est mieux aussi au niveau énergétique. Au lieu de continuer à fréquenter des gens qui te drainent, ou de fréquenter des endroits qui te donnent en énergie, ou encore qui salissent, qui mélangent des énergies qui ne sont pas noires, mais qui ne sont pas en harmonie avec les tiennes, donc ça crée une dissonance musicale chez toi, au niveau vibratoire, tu commences à être sélectif. Mais de toute façon, quand tu commences à te respecter, comme tu le disais tantôt, c'est-à-dire à refuser de... Automatiquement, c'est ce que tu vas faire. Tu n'en as plus bien le monde à fréquenter, ça fait que ça va être assez tranquille. Parce que si tu refuses d'aider le voisin parce qu'il draine de l'énergie, mais tu pourras aider le voisin uniquement parce que c'est économique en énergie. Mais tu ne pourras plus aider le voisin uniquement parce qu'il te tête et te manipule à l'aider. Tu comprends l'idée? Oui. Il y a une grosse nuance. Mais dans l'application, ça veut dire que tu pourras le faire quand même de façon sélective. Oui, mais le danger de dire cela, c'est que les archétypes vont vous dire c'est quoi être sélectif. Ah oui, ils vont toujours être sélectifs. Oui. Et tu vas toujours le faire pareil. Plus le voisin est beau, plus la voisine est belle, plus c'est normal, c'est correct. Mais à un moment donné, la journée où tu veux faire de quoi, tu ne veux pas aller plus loin, tu vas comprendre l'énergie que tu as perdue. Il n'y a pas un moyen d'aider quand même, d'aider, c'est-à-dire de... On ne doit pas aider personne. On ne doit pas aider personne. Ben, si toi ça va bien, t'es plein d'énergie, et puis t'as la solution à un problème que quelqu'un vient de poser ou tu penses pouvoir l'aider à trouver cette solution-là. Tu peux pas l'aider. Pourquoi pas? Puis aide-le pas, ben, parce que tu peux pas aider personne. C'est dans la vision émotive de l'humain d'aider. Non, sans être émotif, c'est pas nécessairement inintelligent. Oui, aider, c'est uniquement une manipulation. Tu aides quelqu'un ou un animal uniquement parce que tu te fais ramasser au niveau de ta psychologie, de ton émotivité. Tu l'aides pour avoir la paix. Tu l'aides pour qu'il ne t'achale plus, tu l'aides pour te sentir bien, tu l'aides pour ne plus te sentir mal, etc., etc., etc. Quand l'être humain finit par se respecter, lorsque l'être humain est capable de conserver son énergie, il n'aide plus. Ben, si je suis dans ta cour chez vous... Il y a besoin d'aide, là, lui. Oui, moi, j'ai besoin d'aide. Je rentre en avant de ton driveway, je fais une crevaison. C'est pas un driveway, c'est une entrée. Donc, une entrée, je fais un flat qui est une crevaison. Oui. Je sonne à la porte. Je vais te demander de l'aide, j'ai pas d'outils pour réparer mon pneu. Puis là, tu m'aideras pas. Mais non! C'est intelligent pas mal. Ben effectivement, il commence à comprendre, c'est vrai, c'est intelligent. Qu'est-ce que ça te donne de pas m'aider? Qu'est-ce que ça t'enlèverait de m'aider? Ça me donne rien de t'aider, puis ça me donne rien de ne pas t'aider. Bon, ben tu veux m'aider d'abord, ça t'enlève rien. Je ne peux pas t'aider. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'apprenne, qu'il faut que je marche 14 mètres pour chercher un outil. C'est de l'aide, ça! Là, je t'aiderais à apprendre qu'il faut que tu marches 14 mètres. Parce que tu m'aides peut-être autant, en m'aidant pas, justement, parce que là, je vais découvrir que je peux pas me fier sur personne, fait que la prochaine fois, je vais avoir un pneu de secours. Non, tu vas être ton seul maître, tu vas apprendre de par toi-même, je ne t'ai pas aidé. C'est quand même pas de ma faute si je deviens un événement dans ta vie. Par contre, si tu as besoin de mes outils, je peux te les prêter, je ne t'aide pas. Si tu es trop nouille pour être capable de défaire ta roue de secours, je peux même aller la défaire pour toi, mais je ne t'aide pas. Bon, ben, tu fais quoi si tu m'aides pas à défaire ma roue? Je défais ta roue? T'as défait, mais tu m'aides pas. Ben, défais l'appareil, puis aide-moi pas. Mais tu fais quoi? T'appelles ça comment, faire ça? C'est pas de l'aide. Non, c'est pas de l'aide. C'est simplement une intervention logique, intelligente. OK, bon, ben, quand tu dis on n'aide plus personne, on intervient logiquement. C'est ça? Oui, en fonction de ce que nous sommes. Il fait beau dehors. C'est une raison que tu me donnes pour sortir. Moi-même, aller couper ton gazon. Mais les humains font pas. T'as trouvé un petit paquet de raisons. Regarde, je sais. Mais moi, j'ai déjà, à un moment donné, j'ai failli souffler la neige dans le driveway, tu comprennes, du voisin. Parce qu'il avait neigé pas mal, et puis avec sa petite pelle, il faisait pitié. Sauf que L'archétype qui le dirige ne pourra pas accepter que je vienne souffler sa neige sans même pas y dire un mot. Uniquement parce que ça me plaît de rester dehors plus longtemps, puis mon entrée est beau être grande, elle n'est pas assez grande. Alors lui ne comprendra pas pourquoi je viens l'aider. Si je lui explique, ben oui, c'est parce que ça me tentait de souffler de la neige. Je comprendrai pas, j'étais un adulte. D'un enfant, il va comprendre. Je l'ai essayé, ma souffleuse. Pas d'un adulte, oui, je l'ai essayé, ma souffleuse. Je vois, c'est incapable d'arracher l'asphalte. N'est pas chez nous. Il y a un nom d'asphalte. Donc, tu continues. OK, t'appelles ça autrement. Êtes-vous capable, t'aides à un moment donné... Mais tu fais des interventions. Donc, l'homme, la femme, l'enfant doit parvenir à être capable d'accomplir ce qui le fait vibrer sans restriction de la part de l'extérieur. Cela veut dire que ta femme, elle est en train de danser en bikini dans ton salon, puis quand tu rentres de travailler, ben là, elle arrête, elle part en courant, elle se met une jaquette, puis c'est fini. Elle perd de l'énergie, elle n'est pas libre, elle n'est pas totalement en contact avec son intelligence, elle n'est pas capable d'accomplir des choses qui la synergisent elle-même. Sa danse en bikini dans le salon est réellement pas en contact avec son intelligence. Oui, elle est totalement en contact avec son intelligence. Sauf qu'elle n'est pas en contact de ce fait que quand tu rentres toi, tu viens tout brimer au complet, et là, tout change. Puis le problème, à un moment donné, je faisais une conférence spéciale, c'était le syndrome de l'électron. L'être humain est un électron. Un électron, qu'est-ce que ça fait? C'est une charge qui est polarisée, qui est négative, puis qui se promène. Chaque fois que ça approche d'une charge moindrement positive ou négative, chaque fois que ça l'approche de quelque chose, ça dévie, ça réagit. L'humain est comme un électron. Tu es dans l'ascenseur seul, tu es quelque chose. Quelqu'un rentre, tu es autre chose. La personne sort, tu es revenu quelque chose. Coloré. Syndrome de l'électron. Alors, ta femme, elle est bien quand tu n'es pas là, mais elle est peut-être bien quand tu es là, mais c'est un autre bien. C'est totalement différent. Toi, c'est la même chose. Tu peux t'évacher à terre pour pouvoir écouter la télévision, puis à l'instant où tu as de la visite, à l'instant où quoi que ce soit peut se passer, un être humain pénètre, bien immédiatement, syndrome de l'électron, tu es totalement déphasé sur ce que tu es. Les archétypes dirigent. Quand deux personnes de tel niveau, de tel sexe, de tel âge se rencontrent, c'est comme ça. Bon, une personne âgée ne peut pas s'évacher à terre. Moi, j'écoute la télévision totalement évachée à terre, j'ai jamais su à quoi servait un sofa. Bon, à part peut-être mettre la chatte dessus, parce qu'elle prend la place sur le plancher. Alors, je m'étends. S'il y a de la visite qui vient, ben dans le salon, il met en jambe, passe par-dessus moi. Bon, si ça les frustre, ils n'ont rien qu'à faire le tour. Si ça les frustre encore, ils n'ont rien qu'à pas rentrer dans le salon. Si ça les frustre encore, ben il n'y a rien qu'à pas venir chez toi, c'est tout. Sauf que l'archétype fait, puis l'être humain perd énormément d'énergie, uniquement parce qu'il est toujours en train de prendre son énergie pour se grouiller de façon à être en harmonie avec la traditionnelle tradition, avec la normalité, avec ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Mais en réalité, ça reste d'une forme d'inhibition. L'être humain qui se respecte lui-même, c'est un être humain qui devient centré. Tu parles, par exemple, de ta femme qui danse en bikini dans le salon. Donne-moi une demi-raison pourquoi ce n'est pas intelligent de danser en bikini dans le salon. J'en ai pas, mais donne-moi-en une pourquoi ça serait intelligent. Simplement parce qu'elle a le goût. Ah, si c'est intelligent. Avoir le goût, c'est émotif. Non. C'est égoïque. C'est pas, ça peut être émotif, mental, ça peut être énergétique. Quand t'as le goût de manger, là, t'as faim. Alors, elle a faim d'énergie. Et son énergie, elle pourra la retrouver lorsqu'elle exprimera une onde de forme particulière. L'onde de forme particulière sera comme elle le ferait là, avec les mouvements qu'elle fait là, ou etc. Personne qui se met à chanter quelque part, c'est correct. Sauf que quand il y a du monde, c'est plus correct. Mais ça, c'est des inhibitions. Si on enlève les inhibitions, c'est-à-dire si on apprend à se respecter soi-même, est-ce qu'automatiquement, il faut qu'on enlève les inhibitions? Ben, c'est ce qui va arriver. On va revenir dessus. Les deux vont Mais entendre. C'est ce qui va arriver. Sauf que quand on parle encore, vous n'aidez plus. Quand je dis souvent, par exemple, on prend un enfant nu, juste les os et la peau de l'Éthiopie ou du Bangladesh ou de d'autres pays, on les fout à la télévision, et puis là, après ça, on dit, si vous voulez plus voir la photo, envoyez 50$ à Oxfam. Bon. Alors, les gens, tannés de voir la photo à la télévision, finissent par envoyer 50$ ou 15$ ou 10$. Là, on retire la photo quand on a payé assez. Bon. Et les personnes vont dire, moi, j'aide. Mais c'est faux, parce que pourquoi aides-tu uniquement quand on te présente la photo, alors que le pays te le tente toujours en problématique? Bon. Oui, mais ça me rappelle que... Pas. C'est ça. Ça me rappelle que... Mais qu'est-ce qui se passe chez toi quand on te présente la photo? Tu te fais manipuler. L'archétype doit faire que tu ne devrais pas, si tu es une bonne personne conventionnellement normale, tolérer que dans certains pays, il y ait ceci, cela, cela. Mais à la place, on devrait armer la guérilla locale. On ne devrait pas envoyer de l'argent au gouvernement pour qu'il en garde 95% et qu'il fournisse le reste. T'essaieras de faire une annonce comme ça, demander de l'argent pour armer la guérilla. Ça fonctionnera pas, les archétypes interdisent cela. Pas sûr que ça va marcher. Non, les archétypes ne peuvent pas le faire. Ce que je dis donc, c'est ça de cesser de perdre son énergie. À un moment donné, j'étais dans un bateau, je rencontre une personne qui vient me voir et qui me dit, ça fait deux fois, j'étais très très très jeune, et puis il me dit, ça fait deux fois que je te demande un service, tu me dis oui, que tu vas le faire. Une fois, je te demandais un marteau, une fois une hache. Et puis, on n'en a pas là, donc je devais le lendemain matin lui amener. Alors moi, je rends service, etc. Puis la personne travaille pour moi. Fait que, oh, ok, parfait, pas de problème, t'as besoin d'un marteau, tu vas en avoir un. Le lendemain, je passe pas. Deux jours après, je passe pas. Trois jours après, j'arrive, le marteau, non, j'ai oublié le marteau. Ah bon? Mais peux-tu m'amener une hache en même temps? Pas de problème. Le lendemain, j'ai oublié. Parce que tu réponds par archétype. À un moment donné, elle m'accroche dans le bateau, puis elle me dit, écoute bien, si, quand je te demande un marteau, tu me dis, non, j'aurai pas le temps de t'amener un marteau. Mais moi, ça m'arrange mauditement plus que si tu me dis oui, OK. Parce que si tu me dis non, j'aurai pas le temps de t'en amener un, je vais me démerder pour aller en chercher un. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler ce que je fais là. Si je te demande une hache, tu me dis oui, bien, je me fie ce que tu vas me la hache. Fait que vu que j'ai pas de hache, j'attends. Je fais d'autres petits cossins, mais j'attends. Puis après ça, tu arrives à pas de hache, puis finalement, pas de marteau. Puis là, à un moment donné, tu sais, ça serait tellement plus plaisant. Si on vivrait sur une planète où, non, j'ai pas le temps. T'as pas le temps? Parfait. L'archétype va faire, tu devrais prendre un peu de temps, c'est pas long, merde, d'aller chercher un marteau quand tu passes. Oui. Mais si je l'amène pas le marteau après ça, là, tu m'as manipulé à dire oui? M'as dit oui. Si je l'amène pas, là, pas mes oignons. Puis ça, faut qu'on le comprenne. Si à un moment donné, quelqu'un fait tout pour que tu te sentes quoi que ce soit pour rendre service, si tu ne rends pas le service, tu te sens encore plus mal parce que tu dis oui. L'archétype s'arrange, et c'est là qu'il y a une perte d'énergie. Progressivement, la vie devient difficilement aimable. Mais uniquement parce qu'on n'arrive pas, on mange l'emballage, on mange même pas ce qu'il y a dedans. Mais on peut le faire quand même. Ce que tu disais tantôt, ça s'appelle pas rendre service, mais tu peux le faire pareil si ça te draine pas, ou si ça t'adonne, ou si ça te fait plaisir, oui. Pour faire plaisir. Mais moi, je savais que ça ne me tentait pas de faire des détours, donc je savais que je n'avais pas le temps. Mais c'était comme logique que j'y dise oui. Puis finalement, à travers le reste, ça n'allait pas. J'oubliais. Puis oubliant, et finalement, ce qu'il m'a dit, c'était bien logique, c'était bien simple. Sauf que par la suite, il me demande, peux-tu m'amener une aiguine? Et là, en même temps, c'est non. Puis ça se dit pas non. L'archétype. Tu dois dire oui, tu dois rendre service, tu dois aider. Mais quand tu rends service de cette façon-là, tu vis plus. Puis lui, il vit pas mieux parce qu'il n'est pas bien à rendre service aussi de temps en temps. Tu sais, l'idée que je vais passer ma tondeuse tout l'été, vous pourriez peut-être me prêter votre souffleuse cet hiver. Bon. Non, je te prête pas ma souffleuse. Pourquoi? J'ai peur de ta brise. Quand je t'ai passé ma tondeuse. T'as bien fait. Moi, je ne brisais pas ta tondeuse. Ah, je ne casserai pas de souffleuse. Ah, je suis pas sûr. Ah, mais non, c'est ça. Je suis pas sûr. Tu dis dans le document qui avait été imprimé qu'on peut stocker de l'énergie pour aller chercher plus tard. À quelle place on peut entreposer de l'énergie qu'on a volontairement? L'endroit où les adultes, l'endroit où les parents entreposent la majorité de leur énergie, c'est dans l'enfant. Puis comment tu fais pour le retourner chercher? Tu peux pas. Archétypalement et traditionnellement, tu pouvais. Puis il y a encore beaucoup de pays où le mental n'est pas suffisamment développé, où ça se fait. Archétypalement, tu places toute ton énergie dans tes enfants, puis quand tu es rendu totalement dysfonctionnel au niveau social, tu vis dans la maison de tes enfants, ils t'alimentent, ils te nourrissent, etc. Puis tu fais la garde de la maison, la garde des autres petits-enfants, etc. Bon, tu as tout mis ton énergie dans les enfants pour que les enfants, après ça, perdent une partie de leur jeunesse à te la remettre, quand tu vas être rendu à un certain âge. Sauf que dans une société suffisamment mentale, où l'individu de plus en plus centré sur lui-même, c'est très bon. Avant, il était centré sur lui. Les parents aidaient les enfants uniquement pour que les enfants aident les parents plus tard. C'est de l'égoïsme, même chose. Mais qui s'appelle altruiste. Hein? Bon. Sauf que aujourd'hui, si tu donnes tout à quelqu'un qui m'a donné subitement découvre que crime, j'ai mes affaires à faire, moi aussi, mais lui, il s'en va. Il part avec l'argent qu'il a donné. Hein? Bon. Alors, la majorité des adultes placent ça. Moi, oui, mais je leur ai tout donné, puis là, c'est des maudits sans cœur, puis c'est ça. Tu leur as tout donné. Donné. Pas passé. Donné. Mais s'ils étaient bien élevés, si l'archétype les manipulerait, s'ils seraient normaux, s'ils seraient... Bon, mais tout ce que tu voudras, ils devraient normalement se sentir suffisamment coupables d'avoir été mes enfants pour passer 20, 30, 40 ans à s'occuper de moi par la suite. Et ça crée un problème, ça autorise, l'archétype autorise les personnes à vieillir à un moment donné, parce que normalement, là, ils vont pouvoir se prendre leur retraite, c'est le cas de le dire. Alors que si on apprend à ne pas se fier aux autres humains, eh bien, il y aura énormément de personnes qui auront un âge certain, qui ne se diront plus personnes vieilles ou personnes de l'âge d'or. C'est les individus qui se traitent de vieux. Ça, c'est la reconnaissance. Oui, mais c'est ça, c'est remettre de l'énergie. Un autre exemple aussi où est-ce qu'on place de l'énergie. Est-ce que tu trouves mon veston beau? Je viens de mettre toute énergie qui me synergisait avec, énergie qui me faisait l'accepter entre tes mains. C'est bien élevé, l'archétype devrait t'obliger à être poli. Donc, à me remettre l'énergie, en me disant, ah, très, très, très beau, il te va très bien, il te va comme un veston. Bon. Alors là, moi, je suis totalement content, je sais bien. Est-ce que ça te redonne plus d'énergie que tu en avais quand tu as posé la question? Oui, parce que j'ai pris de la tienne en même temps. Okay. Tu es obligé de me répondre, tu es obligé de me donner un peu de la tienne pour être capable de t'ajuster. Énergétiquement, il faudrait que je te dise non. Faudrait que tu me dises, toi, tu le trouves comment, le veston? Je le trouve beau. Ben voilà, je le trouve laid. Ben, c'est ça. Toi, tu n'as pas de commentaire à dire. C'est son veston, comme lui le trouve. Mais souvent, les personnes placent de l'énergie dans ces choses-là. Autre endroit où on peut stocker énormément d'énergie, mais là, on peut commencer à la récupérer dans ces endroits-là, ça va être dans la matière. Énormément d'individus vont placer de l'énergie, par exemple, dans une maison. La maison, c'est le confort. Confort au foyer, ça, c'est l'échelle. Mais c'est le confort tout court, confort dans la vie. C'est les sauts. Sécurité, ben d'accord. Sécurité, c'est les sauts, hein? OK. Sécurité, bien-être et patati patata. Énormément d'énergie émotive, énormément d'énergie humaine vont être placées dans la maison. Lorsqu'à un moment donné, l'individu devient plus solide, il doit être capable de récupérer son énergie. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas capable de contrôler la perte d'énergie, un exemple, tant qu'à aider quelqu'un qui de toute façon jamais ne s'en sortira parce que tout ce qu'il a besoin, c'est de têter ton énergie, c'est préférable que tu fasses du bénévolat quelque part. Bon, socialement, cette énergie-là va de toute façon être capable de te revenir. Comment? On parle de bénévolat fonctionnel. Tu augmentes le niveau social de la société ou tu empêches la dégradation. Veux pas, karmiquement, ça va te revenir. Bon, c'est préférable de travailler au minimum sur tes enfants sans prétendre qu'ils vont me le remettre un jour. Mais tant qu'à perdre de l'énergie, perds-la dans un endroit qui est fonctionnel. Dans la matière, comme tu disais, dans la maison, tu fais ça comment? Dans la maison, ce que tu fais, c'est que la journée que tu es rendu à un certain âge, où tu as plus d'expérience de la vie, plus de mentalisation d'accompli, plus de cellularisation vers l'intelligence supramentale, donc vers le fait que tu es centré dans ton intelligence, lorsque tu es capable de voir le monde différemment, on parlait d'abondance au mois de janvier, lorsque tu considères que tu devrais devenir un riche, donc avoir du temps et de l'argent, pas à outrance, d'avoir ce que tu as besoin, mais en temps et en argent. Et là, c'est peut-être le temps de vendre ta maison et de l'acheter. Bon, on appelle ça hypothéquer. Alors, ce qui va arriver, c'est que maintenant, si, alors que tu n'avais pas d'argent, tu pouvais mettre 800 ou 1000 $ par mois pour acheter la maison, maintenant, tu l'as payé 80 000, maintenant, elle vaut 145 000. Si tu la vends et tu l'achètes, donc tu l'hypothèques, tu peux aussi changer de maison simplement pour changer d'onde de forme, changer d'énergie, en profiter. Mais là, ce qui va arriver, c'est que tu te ramasses avec peut-être 1000, 1020 ou 1200 ou 1300 par mois à mettre dans ta maison, mais tu as 140 000 en banque, ce que tu n'avais pas à l'époque ou quand tu as commencé à acheter la maison. Quand tu étais jeune, tu n'avais pas d'argent, tu as acheté la maison. Mais là, c'est que tu as transposé énormément d'énergie en cadre familial, c'est la sécurité du domicile. Et maintenant, c'est le temps de tout récupérer ça en argent. L'argent va te donner du temps. Le temps et l'argent vont te permettre des choses. Et là, effectivement, l'énergie de ta jeunesse va servir là. Alors que beaucoup d'adultes vont dire, non, moi, je veux léguer ça à mes enfants. C'est évident que l'adulte se réincarne dans le processus génétique d'enfant à enfant. Donc, finalement, il se lègue à lui-même. Mais du point de vue d'une gestion immédiate de vie, là, dans l'immédiat terme, au minimum dans le court terme, ce n'est pas opérationnel, ce n'est pas fonctionnel. Mais qu'est-ce que tu fais quoi avec cet argent-là que tu as pris sur ton hypothèque? Tu voyages? Premièrement, tu vas te retrouver libre de différentes contraintes. Bon, première chose, donc, tu récupères déjà énormément d'énergie. Parce que tu laisseras beaucoup moins d'emprise sur les manipulations archétypales, bon, ben là, tu prends ta pipe ou encore tu sais, ton tasse de café, là. Puis là, j'ai une maison, elle est payée, là, tu sais, là. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait plus rien maintenant, là, tu sais. L'archétype va te ramasser. Alors, en néotypant, c'est-à-dire qu'en rachetant ta maison, quel que soit l'âge, Eh bien là, tu grimpes déjà, tu te désassujettis d'une panoplie d'archétypes. Il y en reste d'autres qui vont te manipuler, mais c'est quand même moins. Tu vas te sentir subitement plus jeune, plus vif, plus capable de faire plus de choses. Pas juste parce que tu auras plus d'argent, mais c'est une chose. Mais tu peux aussi être plus stressé parce que tu n'as plus la sécurité que tu avais avant d'avoir une hypothèque. Non. Les taux d'intérêt s'en vont à 24 % tu regrettes ton coup, maudit. Non. Parce que si tu regretterais ton coup... Si tu ne l'as pas dépensé, c'est correct. Mais si tu as dépensé ton hypothèque, tu vas avoir des petits problèmes. Oui, mais ça, c'est simplement parce que tu n'as pas compris ce qu'une personne qui est intelligente doit faire. Tu n'as pas été conséquentiel. Mais si tu fais tout ce que tu dis là, de toute façon, tu ne vendras même pas ta maison. T'es trop sécure. Il n'y a aucun problème. Là, ça vaut pas la peine de parler. T'sais, si je gagnerais la loterie puis je ferais ben non, si je serais bien courageux, là, peut-être que j'aurais peur de. Non, mélangeons pas le vieil homme puis l'homme nouveau. Là. Donc, on peut placer dans la matière, dans les cadres, mais où on place beaucoup d'énergie souvent, ça va être dans tous les bibelots, les photos, les trucs qu'on ramasse du passé. Tout ce qui nous permet de faire de la nostalgie. Alors, à un moment donné, tu mets le feu tout ça. Mais si possible, tu mets pas ça, tu mets pas le feu là-dedans quand c'est encore ces étagères, tu sais. Quand en mettant le feu, ça redonne de l'énergie? En mettant le feu, ça redonne de l'énergie? Oui. Et ça, c'est important à comprendre. C'est sûr que l'individu, il dit, par exemple, je prends toutes mes vieilles photos de mes enfants quand ils étaient jeunes, venant de moi, tu sais, puis ma première dent, puis on va être donc, tu sais, puis on va être donc. Prends tout ça au complet. Tu mets tout ça dans un sac, ou encore, tu vas quelque part dans le bois, tu allumes un feu. Et puis là, tu nostalgies une dernière fois, là, puis t'as le feu. Puis un autre, là, puis... Oh, là, ça brûle, la photo jolie, puis le feu pogne après, puis là, bon. Ce qui arrive, c'est que tu libères toute l'énergie emmagasinée là-dedans. Et tu peux poser la question, ben oui, mais au fur et à mesure que ça brûle, là, ton dos se redresse, là, une vertèbre de dessoudée, puis une autre vertèbre de dessoudée, puis on va être national, rien d'autre à faire. Pas ça qui arrive. Ce qui va arriver, c'est qu'une fois que tu t'es détaché de tout ça, tu ne peux plus retourner sur ces mémoires. Tu ne peux plus considérer de la même façon que tu as vieilli. Et tu peux avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, etc. C'est la même chose. Parce que tu ne peux plus continuer à te prouver que tu as vécu tout ça. C'est plus là. Ah, il reste dans ta tête. Dans ta tête, ça va s'en aller aussi et ça te libère énormément pour redevenir quelque chose d'autre. Tu te libères d'archétypes qui deviennent familiales. Exactement comme on a certaines personnes qui, rendues à un certain âge, portent ce qu'on appelle une mode appropriée à cet âge-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es rendu à un certain âge, là, ben voilà, paf, tu es fait. C'est le même qui doit que tu veux t'habiller. Fait que le chapeau que tu aimais porter, ça se porte pas à ton âge. Parfait, on met l'autre. Les souliers que tu aimais mettre, voyons donc, t'as l'air d'une guidonne à ton âge. Parfait, on met les souliers ou t'as pas l'air de ça. T'as l'air d'une sœur. Bon. Et progressivement, on va, puis j'aime bien mieux les souliers de sœur, soit dit en passant. Au moins le talon est fait pour tenir le pied. Mais ce qui arrive, c'est que progressivement, il y a des couleurs qui vont disparaître. Hein, il y a eu un temps où ce qui est rendu un certain âge, c'est le gris puis le noir. C'est pas bien compliqué. Et quand une femme d'un certain âge mettait du rouge, de l'orangé ou du violet, il reste habillé comme une jeune, tu sais, on se rend pas compte. L'archétype. Alors, en ayant éliminé une panoplie de choses, les vieux vêtements que tu portais, tous ces genres de choses-là, et ça, ce n'est pas uniquement une philosophie comme ça. C'est exactement ça. C'est comme de dire, tu veux quelqu'un qui fait que te battre, lâche-le, il te battra plus, tu sais, c'est logique. Il te battait psychologiquement, tu étais stressé, incapacité, rentrer à la maison, et puis là, c'est réglé. Au niveau des mémoires, c'est la même chose. La personne doit progressivement éliminer tout ce dans quoi elle a placé de l'énergie lorsqu'elle se sent prête